Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue, c'est la Red Argus Sport. C'est Arc-en-Ciel, 96.2, 20h35. Ravi de vous retrouver ce soir. On est le 12 septembre. Et on est ensemble pour deux heures d'émission, comme chaque lundi. Ravi donc de vous retrouver ce soir avec pas mal d'infos encore ce soir. Un gros programme avec notamment du foot, évidemment. On va revenir sur cette journée de Ligue 1 qui s'est terminée hier avec la victoire de Monaco face à Lyon. Qui a fait la belle opération en s'imposant face aux Lyonnais, qui de leur côté enchaînent une deuxième défaite et qui auront dimanche défié le Paris Saint-Germain. Donc calendrier compliqué pour Lyon. Paris de son côté, on y reviendra aussi, qui s'est imposé, et je salue Manu qui quitte les studios, que vous trouverez bien sûr la semaine prochaine. Paris qui s'est imposé de son côté, pardon, s'est imposé 1-0 difficilement contre Brest, on en parlera, qui a fait un bon match, hein, Brestois, mais ça n'a pas suffi puisque c'est Paris qui s'impose 1-0. Victoire de Marseille aussi compliqué face à Lille. C'était compliqué pour tous les cadres, hein. Ce week-end, Paris-Marseille qui a battu Lille 2-1. Nice aussi s'est imposé sur le fil à Ajaccio 1-0. Victoire qui était attendue pour les Niçois, hein, après un début de saison compliqué. Rennes, carton du week-end face à Auxerre 5-0. Et puis victoire lensoise, hein, qui aussi enchaîne un début de week-end face à 3 1-0. Sur cette première journée, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr. En Ligue 2, bien sûr aussi, le point après cette nouvelle journée. National, l'USO, qui de son côté eh bien fait un nouveau match nul, décidément, qui enchaîne un nouveau match nul, troisième match nul cette saison. Et puis d'autres victoires, on en reparlera aussi, qui a récupéré une victoire, deux points donc sur tapis vert, une bonne opération au classement, on le verra tout à l'heure. Bien sûr, le reste des résultats en Europe, en excluant bien sûr l'Angleterre, on le rappelle, après le décès de la reine Elisabeth II, eh bien, le championnat anglais a été suspendu tout le week-end dernier et qui sera peut-être aussi encore suspendu ce week-end. Ça, c'est encore à confirmer, mais en tout cas, les rencontres de la 7e journée ont été reportées. Et d'ailleurs certains de la 8e aussi, hein, on y reviendra. Il y aura quelques reports, notamment le Chelsea-Liverpool a été reporté, ou encore le Manchester-Leeds qui également sera reporté. Donc ce week-end, on y reviendra, puisque toujours sur les mêmes raisons, hein, funérailles notamment de la reine qui sont prévues. Donc normalement, on respecte le calendrier, le 19 septembre, donc lundi prochain, eh bien ça va encore perturber la prochaine journée de Première Ligue, avec quand même quelques rencontres qui seront jouées. On en parlera tout à l'heure avec pas mal aussi d'horaires qui seront avancés, de matchs qui seront avancés. On y reviendra tout à l'heure. Bien sûr, résultats aussi en Allemagne, en Italie ou en Espagne. La Ligue des Champions, première journée, victoire pour Paris, malheureusement défaite pour Marseille. Et puis dans les autres compétitions européennes, ça s'est bien passé globalement, pour les clubs français. Des victoires et un nul seulement pour Nice. Donc une première journée réussie globalement pour les clubs français sur les différentes Coupes d'Europe. On y revient tout à l'heure. Tennis, bien sûr, tennis avec l'US Open. Ça y est, hier, victoire en finale de Carlos Alcaraz, le jeune espagnol de 19 ans qui a dominé Casper Ruud en finale hier en 4 manches et qui fait coup double, donc premier grand chelem en carrière, et puis surtout, numéro 1 mondial, qui fait partie des plus jeunes numéro 1 mondiaux, hein, de l'histoire, et qui, grâce à cette victoire hier en finale, a pris cette place de numéro 1 mondial aux dépens de Casper Ruud, qui lui aussi jouait la place de numéro 1 mondial sur cette rencontre. On y revient tout à l'heure, bien sûr. Après le tennis, bien sûr, on aura du rugby. C'était la deuxième journée du top 14. Le point sur cette deuxième journée, avec à noter le nouveau leader, c'est Toulouse pour le moment, avec une victoire donc hier en battant Toulon lors de la clôture de cette deuxième journée, sur le score de 28-8. Donc le point tout à l'heure sur tous les résultats de cette deuxième journée, bien sûr dans la page rugby. Des infos aussi, des nouveautés sur le RCO, hein, qui va reprendre la saison aussi en fédéral 1 cette année. On en parle bien sûr aussi tout à l'heure. du basket. C'est la suite de l'Euro de basket pour les hommes de Vincent Collet qui ont eu tout le mal du monde à se qualifier pour les quarts de finale. C'est même un miracle que les Bleus sont encore en vie dans ce Euro après un match à suspense. Et voilà, les Bleus qui auraient dû voilà, en temps normal être sortis de la compétition, mais voilà, une fin de rencontre et une prolongation à grand suspense ont permis aux Bleus de se qualifier. Voilà, donc en quart de finale. Et les Bleus seront opposés mercredi à l'Italie qui a fait la sensation de ses huitièmes de finale en sortant hier la Serbie qui était l'une, si ce n'est la sélection favorite de cet Euro sur le score de 94-86. Donc l'Italie, le prochain adversaire des Bleus, ce sera mercredi. Donc on vous donnera tout à l'heure tous les rendez-vous de ces quarts de finale. Ce sera pour les Bleus à 17h15, ce quart de finale de l'Euro, donc à noter. Et voilà, on espère que ça va poursuivre l'aventure pour les Bleus, même si c'est très poussif, hein, il faut bien le reconnaître pour les Bleus sur cette édition de l'Euro. Mais ça passe, et pour l'instant les Bleus sont bien au rendez-vous des quarts de finale. Donc le point tout à l'heure, donc dans la page basket bien sûr. Autre sujet ce soir, le handball, avec la première journée pour eh bien la Star League qui notamment ont vu les victoires de Paris, de Montpellier notamment, ou encore de Nantes. Chartres qui a remporté son premier match de la saison, bonne nouvelle face à Aix-en-Provence. Bien sûr, actualité aussi pour Gien et pour Saran et Fleury du côté des deuxièmes divisions. Donc on en parle là aussi tout à l'heure, grosse page hand pardon, tout à l'heure. Et puis également ce soir, la suite de la saison de Formule 1 qui a vu une nouvelle fois Max Verstappen eh bien s'imposer sur le Grand Prix d'Italie, Monza, qui un peu plus eh bien va vers son deuxième titre donc de champion du monde. Ça paraît presque inévitable maintenant, hein, pour lui, puisqu'il a encore emporté donc devant Charles Leclerc, le Monégasque, qui est le seul pour l'instant à tenir encore un peu la cadence, mais ça semble quand même maintenant quasiment joué pour donc ce titre de champion du monde. On y reviendra tout à l'heure. Et puis en MotoGP, il n'y avait pas de Grand Prix encore. Ça reprendra ce week-end. Et il y avait un rallye en tout cas en Grèce où Sébastien Loeb était invité, enfin en tout cas avait donné son feu vert pour participer à ce rallye. Et malgré un beau début de week-end, eh bien ça s'est mal terminé avec un abandon pour le Français. Et c'est Thierry Neuville, le Belge, qui en a profité pour s'imposer. On en parlera là aussi tout à l'heure. Et puis un mot aussi d'athlétisme, où la saison en plein air vient de s'achever avec le dernier meeting de la saison en Ligue de Diamant. On en parle aussi juste après, dans quelques minutes. Et puis les directs qui vont démarrer tour à tour. On va d'abord avoir dans maintenant deux minutes le début de match entre Metz et Guingamp en Ligue 2. C'est le dernier match de la 8e journée. Vous pouvez le suivre sur Beansport 1. Le match de la 7e journée en Angleterre, malheureusement, est reporté. Hein. Leeds Nottingham Forest. Voilà, donc qui est reporté à une date ultérieure. On le sait, après le report de toutes les compétitions en Angleterre ce week-end. En Espagne, 21h, ce sera Almeria qui va recevoir Osasuna. C'est sur Beansport 4. En Italie, la 6e journée de Serie A qui verra la Roma se déplacer sur la pelouse de Empoli. Ce sera là aussi dans une poignée de secondes le début de la rencontre sur Beansport 2. Et enfin, national, le Red Star reçoit le Paris 13 Atlético. Ce sera à 21h, dans un quart d'heure. Et vous pouvez suivre sur Canal Plus Sport, Canal Plus Foot, pardon, qui a une nouvelle chaîne de Canal Plus. Et ce sera sur cette chaîne que vous pourrez retrouver ce match de la 5e journée de National. Je regarde le tennis, il n'y aura pas de direct dans ce soir. Et je rappelle aussi pour le tennis, on fera un point tout à l'heure aussi sur l'Open d'Orléans qui va débuter dans 15 jours. Avec, on connaît maintenant pas le tirage au sort, mais en tout cas les joueurs qualifiés pour ceux qui seront dans le tableau de cette 13e édition de l'Open. On en parle bien sûr tout à l'heure. Donc, pas mal de choses encore dans ce rendez-vous ce soir, pas mal d'informations encore. Et je vous rappelle, pour nous joindre, deux solutions: le Facebook Redarc du Sport, la Redarc du Sport. Vous pouvez bien sûr proposer un thème, peut-être aussi proposer une info ou intervenir sur un des sujets, ou bien sûr vous pouvez le faire aussi en composant le numéro du standard, le 02 38 434 800. 02 38 434 800. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur toute l'actualité. Et puis bien sûr, pour proposer vos titres, c'est sur le Facebook, la Red Arc du Sport. Vous proposez vos titres. Et on passe bien sûr tout ça dans cette édition ce soir. On y va justement avec un premier titre et on se retrouvera juste après ça pour démarrer ce programme. Il y a plein de choses encore, donc on va pas perdre de temps. On marque une première pause et on revient juste après pour la première partie maintenant 4 minutes pour le début de ce programme. On se retrouve juste après ça. Ça s'appelle The Swiss. À tout de suite. Retour à 20h49 sur Arc-en-Ciel, c'est le début de cette émission, la première partie, avec le début de notre programme. Je n'avais pas annoncé tout à l'heure, on aura peut-être Sylvain, mais malheureusement on n'aura pas avec nous ce soir Sylvain pour la page pour faire un débrief total. Il ne sera pas avec nous ce soir, j'espère qu'on pourra l'avoir la semaine prochaine, peut-être, pour refaire un débrief sur tout ça, on le verra. En tout cas, il ne sera pas avec nous ce soir. On démarre fin de saison, ça y est, pour eh bien le volley, le l'athlétisme, pardon. Fin de saison, en tout cas ce qui concerne eh bien la saison en plein air. Ça y est, on a clôturé la saison en plein air avec eh bien une dernière étape donc de cette saison en plein air de la Ligue de Diamants. C'était le voilà l'ultime meeting où voilà où il y avait toutes les compétitions hein, qui étaient au rendez-vous. Le meeting de Zurich, voilà, c'était la semaine dernière, c'était vendredi voilà, donc une dernière compétition pour tout le monde avant de rattaquer la saison en salle. Le 100 mètres qui a été remporté par Treven Brobel, l'américain, en 9,94. Johan Bleck, le Jamaïcain, deuxième en 10,05, et puis c'est Aaron Brown, le Canadien, qui lui a pris la troisième place en 10,06. Chez les femmes, sur le 100 mètres, pas de surprise. Une nouvelle fois, Shelly-Ann Fraser-Pryce, vainqueur en 10,65, et une autre, derrière, une autre Jamaïcaine en 10,81. C'est Cherica Jackson, et puis Marie-José Talou, aussi une habituée des podiums livoriennes en 10,91, qui a pris la troisième place. À noter que dans le concours de la perche, c'est une nouvelle fois Armand Duplantis qui s'est imposé après avoir été battu la semaine précédente. Cette fois il s'est imposé encore une fois en passant une barre à 6,07 tout simplement encore une barre au plus petit mètre. Deuxième place, elle est pour Sondre Gudmørsen, le Norvégien, en 5,86. Et puis Rune Laveleni qui est juste derrière Christopher Nielsen, l'Américain, qui est troisième, mais qui ont tous les deux passé une barre à 5,81. Ça se joue derrière aux essais. Mais donc Rune Laveleni est quatrième, mais voilà, qui a quand même passé une barre à 5,81, qui était dans le coup dans ce meeting. Et puis Thiago Braz, le Brésilien, lui qui passe 5,72 et qui prend la sixième place. Donc de ce concours à la perche, voilà donc les différents résultats. Alors il y en a d'autres, mais on va pas tout donner. Mais il y avait vraiment toutes les compétitions qui étaient réunies lors de cette dernière étape de la Ligue de Diamants. Et voilà, encore une fois une victoire pour Armand Duplantis qui s'est imposé donc sur le concours de la perche. Donc fin de saison sur sur le plein air en tout cas, mais bien sûr ça va revenir assez vite avec quand même ensuite des rendez-vous en indoor, hein, en salle. Il va y avoir évidemment un gros calendrier en indoor, donc ça va bien sûr s'enchaîner maintenant avec pas mal de choses encore, et puis on y reviendra évidemment dès que tout ça revient. Pour l'instant c'est un petit peu de repos pour tout le monde, bien mérité. Autre actualité, rapidement, on n'a pas parlé tout à l'heure dans le sommaire, c'était la fin hier du championnat du monde de volley avec la victoire en finale de l'Italie qui a dominé la Pologne 3-7 à 1. L'Italie nouvelle fois championne du monde, quatrième fois pardon dans leur histoire. Malheureusement les Bleus ont été battus assez prématurément dans le tournoi en quart de finale par cette même Italie. Voilà, dans un match vraiment à suspense. Malheureusement, les Bleus qui ont craqué dans la fin de rencontre, d'abord dans le quatrième set où ils étaient peut-être plus forts, mais voilà, ils ont craqué dans le quatrième set avant de complètement sombrer dans le tie-break où ils se sont rapidement retrouvés menés largement. Donc l'Italie qui en a profité et qui s'est qualifiée pour les demi avant de s'imposer en finale face à la Pologne qui était l'une des nations favorites hein, de ce mondial, qui plus est à domicile pour les Polonais, et qui restait les Polonais sur deux victoires sur deux titres consécutifs hein, 2014-2018, et il fallait gagner sur cette finale pour faire la passe de 3. Et c'est bien l'Italie qui s'est imposée, donc 3-1. D'abord mené 1-0, et bien les Italiens qui ont remporté les 3 sets suivants pour s'imposer, donc 3-1. Et ça a dû jouer le quatrième titre de leur histoire après les titres en 90, 94 et 98, qui avaient déjà réalisé le triplé hein, lors des années 90. C'est ensuite le Brésil qui a pris la suite en remportant aussi trois fois le titre mondial, hein, 2002, 2006 et 2008. Et puis ensuite, eh bien la Pologne qui avait pris la suite. Voilà, mais bien ils n'ont pas réussi à la passe de trois, les Polonais, comme l'avaient fait avant l'Italie et le Brésil. Eh bien, c'est bien l'Italie qui a repris son titre perdu il y a déjà plus de 20 ans. Et qui devient donc champion du monde de volley pour les Bleus, malheureusement. Eh bien, une petite déception quand même, eux qui étaient l'une des nations favorites aussi pour le titre mondial, hein, le seul qui manquait à leur palmarès, après avoir été champion de l'Olympique l'an passé et vainqueur de la Ligue des Nations en juillet dernier. Eh bien, l'Italie, c'est bien eux qui ont pris ce titre mondial et qui double avec le titre européen de l'année passée, donc champion d'Europe et champion du monde d'Italie, voilà, qu'il faudra bien sûr surveiller sur les prochaines compétitions. Bah, sans la suite, ce sera bien sûr les Jeux Olympiques en 2024 pour ce qui concerne bien sûr les compétitions olympiques. Et puis avant cela, il y aura une nouvelle Ligue des Nations, bien entendu, l'été prochain, hein, évidemment, qu'on attend évidemment. Et puis bien sûr, il y aura aussi une championne d'Europe l'année prochaine. On en reparlera bien sûr de tout cela, bien sûr, quand on aura toutes les infos pour toutes ces infos. En tous les cas, fin de cet Euro, de ce mondial, pardon, en volée, donc victoire de l'Italie, champion du monde à nouveau. Autre compétition qui a repris au hand, c'est bien sûr la Star League, première journée de la Star League, avec, on le disait tout à l'heure, alors, en ouverture, Chartres qui s'est imposé face à Aix-en-Provence, 34-27, belle victoire pour démarrer le championnat de Chartres. Montpellier s'est imposé à Istres, Nantes qui a dominé Chambéry, et puis enfin Paris qui s'est imposé à Nîmes hier, logiquement 33-28. Voilà, pour l'instant, on ne va pas donner le classement, il n'y a pas pour l'instant d'intérêt, bien entendu. Noter que Chartres recevra Ivry vendredi, qui va recevoir à nouveau, et puis Montpellier recevra Nantes. Ça, c'est déjà le choc de cette deuxième journée, dimanche après-midi, pour clôturer cette deuxième journée de Star League. Dans les autres compétitions, si on redescend avec la Pro League, on retrouve bien sûr Saran. Saran qui, on rappelle, évoluera en deuxième division en Pro League cette année, qui a perdu pour sa première journée, qui a été dominé à Exeter à Caen, 28-26, les vendredis soirs, donc première défaite cette saison, et qui va tenter de se refaire, qui recevra Nancy. Ce sera vendredi à la Halle des Sports à Mazuka, bien sûr à Saran. Ce sera vendredi à 20h30, voilà le rendez-vous, face donc à Nancy. Nancy qui a gagné sa première rencontre, donc voilà, il faudra déjà gagner pour pas être distancé, hein, bien sûr. Donc rencontre face à Nancy vendredi 20h30 donc à Saran. L'actualité de Gien aussi, donc juste en dessous, en National 1, dans la division inférieure, qui avait pour sa part donc démarré la semaine passée par un match nul sur le fil, et bien c'est une première défaite pour Gien qui s'est incliné à Savigny 29-25, c'est samedi soir, fin de journée, donc défaite à l'extérieur pour les Génois qui vont cette fois-ci recevoir Rennes. Ce sera samedi qui arrive à 20h30 face à Rennes, qui est l'une des équipes qui a fait une victoire, une défaite. Donc voilà, un peu comme Gien. Donc il faudra prendre des points déjà très vite face à cette équipe de Rennes, donc qui pour l'instant est cinquième. Donc voilà, rendez-vous à samedi 20h30, donc bien sûr dans la salle Curie, à Gien, pour cette troisième journée de National 1. Et puis les filles de Fleury qui n'ont pas joué ce week-end, mais qui rejoueront le week-end prochain avec un deuxième match qui les emmènera du côté de Vaux-en-Velin. Ce sera samedi soir également à 20h30 pour tenter de remporter une première victoire après le match nul acquis la semaine passée. C'était du côté de, donc à domicile du coup, face à Lille. Donc il faudra cette fois essayer de faire mieux et de s'imposer pour prendre les points dans ce championnat de D2 féminine, et pour vraiment lancer la saison. Donc le rendez-vous à l'Exeter samedi 20h30 face à Vaux-en-Velin pour les Panthères. Voilà toute l'actualité bien sûr du hand, évidemment. Un petit peu plus tard, on aura aussi toujours du côté du hand le début des compétitions européennes, pour le début des compétitions Ligue des Champions pour bien sûr tous nos clubs français. Ça va démarrer déjà cette semaine, hein, ça y est, hein, ça arrive assez vite. Hein. Paris jouera à l'extérieur à Westprem pour démarrer. Ce sera donc jeudi en fin de journée. Toujours pour les garçons, dans l'autre groupe, c'est Nantes qui va de son côté démarrer un déplacement à Kielce. Ce sera mercredi soir. Et puis en ce qui concerne nos clubs féminins, en Ligue des Champions, même chose. Metz, qui a démarré déjà la compétition, c'était pour elle hier. Donc victoire à l'extérieur, à domicile, pardon. 31-22, belle victoire qui leur permet de prendre la tête du groupe. Et puis l'autre groupe qui concerne Brest, ça a mal démarré. Par contre, pour les Brestoises, défaite 31-24 à l'extérieur. Il faudra se relancer pour Brest qui va recevoir Bucarest ce week-end. Et puis pour les Messines, ce sera encore un déplacement. Il va y avoir un deuxième déplacement à Bucarest, mais l'autre équipe de Bucarest pour les Messines, donc les Messines qui iront à Bucarest, et puis les Brestois qui vont recevoir l'autre équipe de Bucarest. Il y a deux clubs à Bucarest, et bien il faudra essayer de s'imposer également pour les Messines pour tenter de conserver la tête de ce groupe de Ligue des Champions. Voilà donc pour tous nos clubs français, ça va donc évidemment bouger dès cette semaine. Voilà pour le hand. Et puis une dernière chose concernant les équipes de France. Il va y avoir des matchs amicaux qui vont arriver, hein, pour notamment les filles, hein, de l'équipe de France, qui vont être amenées à affronter deux matchs. Enfin, il va y avoir deux matchs pour les filles face à l'Allemagne, deux rencontres les 30 septembre et 2 octobre, qui vont servir de préparation à l'Euro. Voilà, c'est tombé aujourd'hui à la sélection d'Olivier Crumbles, qui a convoqué aujourd'hui ses joueuses pour la préparation à l'Euro. On rappelle l'Euro qui va être décalé, hein, par rapport aux années précédentes. Habituellement c'est au mois de décembre pour clôturer l'année. Et bien Coupe du Monde de foot oblige, ce sera très tôt, hein, du 4 au 20 novembre, ça va arriver assez vite, voilà, qui va se terminer juste après le début de la Coupe du Monde. Et il y aura deux matchs amicaux pour préparer cet Euro, donc le 30 septembre à Metz et le 2 octobre à Nancy, face à l'Allemagne à chaque fois. Et ce sera sensiblement la même équipe que l'année passée, que le match passé, avec quelques exceptions. Mais voilà, normalement ce sera plus ou moins la même équipe. Mais deux absentes des championnats olympiques, de Alison Pinault et Pauline Codanea, qui sont absentes pour l'instant donc dans cette sélection. Deux championnats olympiques qui seront présentes en revanche dans cette équipe, donc pour préparer donc 7 euros. Et les garçons, pour l'instant, ce sera un petit peu plus tard, puisque le mondial lui aura lieu seulement en janvier. Voilà en tout cas pour le mondial ou l'euro, je ne sais plus, alors à chaque fois c'est une année sur deux. Oui, c'est bien le mondial qui aura lieu au début 2023 en janvier pour les hommes. Voilà donc avec un groupe, on rappelle notamment composé de l'Arabie Saoudite et la Slovénie pour l'équipe de France qui va donc affronter également la Pologne pour le début du tour préliminaire de cette mondiale. Donc ce sera au mois de janvier est-ce qu'on a les dates ici, voilà, du 11 au 29 janvier, voilà, en Pologne et en Suède pour les garçons. Donc les matchs de préparation arriveront évidemment bien plus tard. Un mot du foot, ça a beaucoup bougé déjà en foot. 4 buts déjà entre Metz et Guingamp après seulement un quart d'heure de jeu. C'est assez rare, puisque Metz a ouvert le score très vite à la 2e minute. Ensuite, il y a eu l'égalisation sur penalty de Guingamp à la 9e minute. Et puis en 5 minutes, 10e et 15e minute, 2 buts. Un doublé pour Jallot qui permet à Metz de mener 3-1, mais c'est assez rare. 4 buts en un quart d'heure, c'est vraiment assez rare, notamment en Ligue 2. Bah là, ça fait 3-1 pour l'instant pour Metz. On a ensuite les autres rencontres en direct. Il y en a pour l'instant une autre, c'est en Italie, où l'Empoli est face à la Roma, il y a 0-0. Et puis les rencontres de 21h. Le Red Star face à Paris 80, face à Paris Atletico, ça fait 0-0 pour l'instant, ça vient de démarrer. Et puis même chose pour Almeria Osasuna, 0-0 en Espagne, donc pour ce match de la Liga. Voilà donc pour les directs, donc pour ça a bougé seulement en Ligue 2, direct 4 buts en un quart d'heure. Il fallait pas arriver en retard au stade, puisque là il y a déjà 3 buts à 1 pour Metz. On marque une pause et juste avant de marquer une pause, on marquera juste après pour revenir avant cela sur la nouvelle victoire lors du Grand Prix d'Italie de Max Verstappen. Ça fait 5 victoires consécutives déjà pour le pilote Red Bull. Grand Prix de France, Hongrie, Belgique, Pays-Bas et puis Italie hier, voilà, qui s'est de nouveau imposé. Le pilote Red Bull imposé dans ce Grand Prix face à Charles Leclerc, notamment, qui a terminé deuxième, et puis Russell sur Mercedes troisième, Carlos Sainz, Ferrari notamment aussi bien placé avec la quatrième place de Carlos Sainz, Hamilton cinquième, Pierre Gasly le premier français dans les points, il est huitième, et puis Esteban Ocon onzième, notamment de ce Grand Prix. Donc une avance confortable, bien entendu, pour Max Verstappen, qui est leader avec 335 points, 11 victoires. Deuxième place pour Charles Leclerc, 219 points. Il y a déjà plus de 100 points de retard avec 3 victoires. Il laisse vraiment des miettes le pilote Red Bull en ce moment, et il se rapproche un peu plus, encore une fois, d'un nouveau titre de champion du monde. La prochaine étape qui devait avoir lieu le 25, donc dans 15 jours, à Russie, avait déjà été annulée il y a pas mal de temps, pour les raisons qu'on connaît, bien sûr. Donc la prochaine étape, prochain Grand Prix, le dimanche 2 octobre, ce sera le Grand Prix de Singapour. Voilà, que vous retrouverez. Donc Grand Prix de Singapour, avec le fameux circuit de nuit éclairé. Voilà, donc ce sera le 2 octobre prochain pour la nouvelle étape. Et puis ensuite, il restera avec ce Grand Prix de Singapour, 6 Grands Prix pour clôturer la saison. En MotoGP, pas de Grand Prix hier. C'était une petite pause. Reprise dimanche avec le Grand Prix d'Aragon. Voilà, pour l'instant, on le rappelle, c'est toujours Fabio Quartararo qui est leader, mais il y a de moins en moins d'avance, il y a de moins en moins d'avance le pilote français, donc il faudra cette fois-ci, pourquoi pas, s'imposer pour récupérer un petit peu d'avance au classement du championnat du monde. Et puis en revanche, ça avait repris aussi ce week-end, c'était la saison de WRC, championnat du monde des rallyes, avec la présence dans ce rallye de Grèce de Sébastien Loeb, notamment, qui était présent pour ce rallye, qui était le dernier au programme pour le français dans la saison, malheureusement qui a été contraint à l'abandon après avoir réalisé une très belle première partie de rallye, hein, puisqu'il avait remporté quand même la plupart des spéciales donc de la première et deuxième journée. Malheureusement, un accident a contraint à l'abandon le pilote français qui n'a pas pu repartir et qui donc n'est pas classé. Thierry Neuville, lui, s'est imposé, le Belge, devant Otanak, l'Estonien. Denis Sordo, troisième, et puis aussi mauvaise opération pour le Finlandais, qui est toujours néanmoins leader du classement général, le Finlandais Rovan Perä, Kalle Rovan Perä, qui est toujours leader, lui qui n'a pas fini non plus le rallye, mais qui est leader, 207 points, 154 points pour l'Estonien Otanak, deuxième. Ça se resserre, pourquoi pas un retour, même s'il reste 3 rallyes, mais tout peut encore arriver. Il suffit d'un nouvel abandon du Finlandais et puis tout peut s'inverser. Ce sera la Nouvelle-Zélande, la suite du calendrier. Ce sera dans 15 jours, du 29 au 2 octobre, 29 septembre au 2 octobre pour la Nouvelle-Zélande. Suivra l'Espagne et le Japon pour clôturer cette saison, pour l'instant dominée par le Finlandais Rovan Perä. Et puis pour Oussama Sellah, bah, qui annonçait voilà, déjà de retour normalement l'année prochaine pour encore quelques piges dans la saison l'année prochaine. Et puis pourquoi pas ici avoir le retour aussi, il n'était pas présent là, Sébastien Ogier, le voir aussi pourquoi pas l'année prochaine refaire quelques piges aux côtés de Sébastien Lhomme, on le verra en tout cas la saison prochaine. Voilà pour l'actualité mécanique, une pause et puis on revient du basket, l'Euro bien sûr, le rugby avec le top 14 qui a repris. Et puis bien sûr il y aura du tennis aussi, du US Open, l'Open d'Orléans, on fera un point sur les joueurs présents dans cette édition, et puis bien sûr du foot pour terminer juste après. Une pause donc, qu'est-ce que l'on écoute? Eh bien on n'a pas choisi encore. Dites-moi ce que vous avez envie d'écouter aussi pour tout à l'heure, hein, parce qu'on a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on me propose. Mais voilà, bah, dites-nous ce que vous avez envie d'écouter sur la prochaine pause. Et puis tout de suite, eh bien c'est Cold Earth qu'on écoute avec Dua Lipa et Elton John. C'est parti tout de suite et on revient donc juste après pour bah pour la suite. Il y a encore pas mal de choses à voir hein, dans maintenant la peu plus d'une heure encore, on a encore beaucoup de temps encore, mais tout de suite c'est Elton John, donc Dua Lipa, c'est Cold Earth bien sûr. On se retrouve juste après ça pour la deuxième partie du basket, je le disais, l'Euro, du rugby et puis du tennis bien sûr. À tout de suite. John, c'était Cold Earth à l'instant, retour à 21h14 sur Arc-en-Ciel. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, vous êtes sur Arc-en-Ciel, bien sûr, pour la Red Arc du Sport. 96.2 FM. Et puis, je vous rappelle aussi sur le site radio-arc-en-ciel.fr, vous pouvez aussi nous joindre et nous écouter partout en France et dans le monde aussi d'ailleurs. Le direct, les directs foot, c'est toujours en direct bien sûr. Metz Guingamp 3-1 déjà, il fallait pas arriver en retard, on le disait. 3 buts en un quart d'heure, il y a 3-1 pour Metz et ça fait 30 minutes maintenant. Toujours les matchs de 20h45 en Italie, Empoli qui reçoit la Roma, c'est Paolo Dybala qui a ouvert le score, qui a ouvert la marque pour la Roma à la 17e minute, donc 1-0 pour la Roma après donc 30 minutes de jeu également. Et puis les matchs de 21h, ça n'a pas bougé pour le moment. Almeria Osasuna, c'est en Espagne bien sûr, 0-0 après 10 minutes. Et puis en national, la 5e journée, le Red Star reçoit Paris Atlético, 0-0 aussi après un petit peu moins d'un quart d'heure. Voilà pour les directs que l'on suit ce soir. Le basket donc, où l'on bien sûr joue toujours l'euro. L'euro donc pour les garçons qui continue 7 euros pour l'instant. Ça se poursuit pour les Français qui ont eu beaucoup de mal à se qualifier pour, alors pas pour les huitièmes puisque c'était acquis assez tôt dans la phase de poule, mais pour les quarts de finale, puisque une victoire dans les prolongations face à la Turquie, c'était donc, si vous l'avez suivi samedi midi, très compliqué cette rencontre pour l'équipe de France qui a mené de 11 points dans le troisième quart-temps et puis qui a eu un trou d'air, un sacré trou d'air avec 19 points encaissés sans marquer un seul point. C'était vraiment un trou d'air qui a permis à la Turquie de prendre les commandes. Les Bleus sont revenus ensuite. Et puis une fin de match, un fin de quatrième carton qui était simplement irréel, puisque les Bleus sont revenus de nulle part, hein, puisqu'il restait 12 secondes. Les Bleus étaient menés de 2 points. Mais surtout, une faute antisportive des sifflets contre les Bleus, ce qui, on rappelle, donne 2 lancers francs adversaires plus la possession à venir. Autant dire que c'était plié, hein, avec les 2 lancers qui donnaient plus 4 et plus la possession, c'était quasiment fini. Et finalement, les 2 lancers ont été manqués. Les Bleus, ont intercepté la remise en jeu. Et puis une faute ensuite commise sur Fournier qui a permis à la France de revenir d'abord qui a permis de revenir à 2 points, à égalité pardon, avec notamment un dunk de Rudy Gobert, qui est incroyable. Et puis ensuite, dans les derniers instants, 2 secondes 5 à jouer, les Turcs qui ont eu un tir au buzzer, mais qui n'a pas touché le cercle. Donc prolongation à venir, qui a bien été démarré par les Bleus, hein, qui ont mené assez rapidement de 6 points, et puis qui a pu ensuite revenir la Turquie à seulement un petit point. Un tout petit point avec notamment des lancers manqués côté français et puis des tirs à 3 points manqués et puis finalement un petit point donc qui a permis au bleu de s'imposer dans la dernière minute, hein, vraiment une dernière possession turque récupérée par Teddy Tarpey qui on rappelle n'était pas au départ sélectionné, hein, il a été appelé en dernier moment. Et c'est bien lui qui a récupéré ce ballon qui a été marqué derrière. Le panier n'a pas compté, hein, puisque c'était fini. Mais qu'importe, les Bleus ont réussi à se sortir de l'enfer tout simplement et de se qualifier pour les quarts de finale. Donc très compliqué. Ça va peut-être leur servir de leçon, on l'espère. En tout cas, ce sera mercredi face à l'Italie. L'Italie qui a fait la créer la sensation de ses huitièmes en sortant l'un des favoris, hein, si ce n'est même le favori de cette compétition, c'est la Serbie. Victoire 94-86. Donc l'Italie affrontera la France mercredi, renotez bien, 17h15. Ça démarrera déjà dès demain. Demain 17h15, l'Espagne qui s'est qualifiée en battant la Lituanie. Mais que c'est fut compliqué aussi pour l'Espagne. Aux prolongations, 102-94 le score. Donc pour l'Espagne, qui s'est sorti aussi du piège dans cette rencontre. Ce sera l'Espagne qui va affronter la Finlande. La Finlande qui a battu la Croatie, avec notamment un gros notamment une grosse performance pour l'un des joueurs finlandais qui et donc a marqué 43 points pour Markkanen, le finlandais, 43 points qui a permis aussi de s'imposer et de se qualifier donc pour les quarts de finale. Donc Espagne-Finlande demain à 17h15. On aura ensuite l'Allemagne dans l'autre quart de finale qui s'est sorti du match face à la Monténégro, qui affronterait la Grèce, qui s'est qualifié hier en battant la République tchèque. Donc Allemagne-Grèce demain à 20h30. On le disait, France-Italie donc 17h15 mercredi. Et puis 20h30, la Slovénie, là aussi avec Luka Doncic, l'un des favoris, qui affrontera donc la Slovénie qui a sorti de son côté la Belgique assez facilement. Et puis la Pologne en face donc qui a sorti de son côté l'Ukraine. Donc Slovénie-Pologne mercredi à 20h30. Voilà pour l'instant rendez-vous donc de ces quarts de finale. Et puis si on veut voir un tout petit peu plus loin, hein, même si maintenant il faut prendre match après match pour les Bleus, hein, qui ont vraiment beaucoup de mal dans cet Euro, mais si on veut aller un petit peu plus loin, la France en cas de qualification pourrait retrouver la Slovénie ou la Pologne. Ce sera, si c'est le cas pour les Bleus, une qualification, ce sera vendredi. Donc la Slovénie, on rappelle que les Bleus ont battu lors du dernier match de poule, même si c'est vrai que pas mal de décisions ont été contestées en fin de match, et les Bleus qui étaient pas loin, hein, puisqu'il y avait une égalité en fin de match, et avec 2-3 décisions on tournait derrière, mais c'est vrai que c'était vraiment pas loin. Donc pourquoi pas retrouver cette Slovénie en demi-finale, ou la Pologne, on sait-on jamais. En tout cas, il faudra déjà voir ses quarts de finale. Il faudra déjà se qualifier pour les Bleus, hein, en battant l'Italie, que les Bleus avaient battu 2 fois en match de préparation, juste avant le début de cet Euro. Pour l'instant, les Bleus qui connaissent bien cette équipe, mais qui est surprenante, hein, dans cet Euro. Donc attention, il faudra évidemment faire déjà très attention dans cette rencontre, et puis éviter évidemment toutes les pertes de ballons. On a encore pu voir lors du match face à la Turquie, et puis éviter évidemment ces trous d'air comme ça a encore été le cas lors de cette troisième carton. Voilà, donc en tous les cas, ce sera mercredi, hein, pour ce quart de finale, et puis ensuite la finale, on rappelle, sera dimanche, hein, comme chaque fois. Donc on attaque, ça y est, la dernière ligne droite, dernière semaine de compétition. Voilà pour le basket. Ensuite, on retrouvera bien sûr, après cet Euro, on retrouvera le mondial pour les filles cette fois. La Coupe du Monde, on a hâte de voir arriver aussi. Ça va arriver assez vite puisque ça s'enchaînera, hein, dès la semaine suivante, le 22 septembre, début de la compétition pour les filles. On rappelle, pour les Bleus, l'Australie d'abord, le Canada, le Mali, le Japon et la Serbie, avant d'attaquer, on l'espère, la phase finale avec d'ailleurs directement les quarts de finale, hein. À l'inverse des Bleus, il y avait des huitièmes, et là il y aura directement un quart de finale. Donc on espère pour les Bleus pour se qualifier. Il n'y aura que deux groupes, hein, à la différence de l'Euro garçon. Donc deux groupes. Donc pour les Françaises, il faudra finir dans les 4 premières équipes, tout simplement, hein, pour se qualifier. Donc 4 équipes sur 6. Donc ça semble normalement largement à la portée des Bleus, avec des équipes largement inférieures aux Bleus. Donc normalement il n'y a pas de problème pour les Françaises pour se qualifier pour les quarts de finale. On le verra. Les Bleus, donc d'ailleurs, qui sont les Françaises qui sont arrivées à Sydney, qui sont arrivées, c'était aujourd'hui d'ailleurs, à Sydney, l'équipe de France qui prend des repères, hein. Elles sont arrivées, pardon, hier matin, tout précisément, au sein du parc olympique de Sydney. Maintenant, il faudra évidemment retrouver un rythme après décalage horaire. 3 matchs amicaux, les derniers, bien sûr, avant le début du mondial. Ce qui attend les Bleus. Donc, un programme déjà jusque-là assez allégé, évidemment, pour retrouver des bonnes sensations. Et puis ensuite, il y aura bien sûr, les matchs amicaux. Donc, l'Australie, d'ailleurs, en amical vendredi midi, ensuite le Japon dimanche, États-Unis gros test, hein, le lundi, et puis ensuite donc mercredi, on rappelle, match d'ouverture contre l'Australie, qui fera aussi figure de favori de la compétition. Les Australiennes à domicile, donc attention à elles. Voilà en tout cas le programme des Françaises pour la suite de l'été. Autre info basket, hier avait lieu la fin des championnats d'Europe de basket 3x3. Où les Bleus avaient remporté le titre mondial au mois de juin, eh bien, ils ont réalisé le doublé, les Françaises, qui ont signé donc un doublé inédit d'ailleurs, Coupe du Monde Euro, donc remportant la Coupe d'Europe hier en s'imposant en finale face aux Pays-Bas 21-14. Et c'est pour elles le troisième titre européen. Déjà, donc le premier mondial, c'était au mois de juin. Et bien cette fois-ci, mon troisième titre européen pour elles hier, donc après 2018 et 2019. Donc bravo à elles. Belle équipe de France, des Françaises qui donc ont remporté et qui ont réalisé le doublé mondial Euro. Voilà, bravo en tout cas à elles. Rendez-vous mercredi pour les Bleus, les Français, pour essayer de se qualifier pour le dernier carré. On l'espère en tout cas. Un petit passage par les directs pour voir si ça a bougé, puis on va bien sûr poursuivre. Donc pas d'autres buts pour le moment dans les directs. Du rugby après le basket. Le rugby donc avec eh bien pour commencer la suite bien sûr de la saison de Top 14. C'était la deuxième journée pour l'instant, ça c'est encore le tout début. Mais deuxième journée qui a vu notamment Toulouse prendre les commandes du championnat en s'imposant hier face à Toulon, largement d'ailleurs, 28-8, victoire donc des Toulousains, auteur de 4 essais, donc point de bonus offensif qui permet donc aux Toulousains de prendre la tête. Deux victoires à l'extérieur, celle de La Rochelle à Lyon, le score 23-21, et puis celle de Brive qui a été s'imposer à Perpignan, 17-6. Le classement, je le disais donc, Toulouse en tête, 9 points. Et on retrouve ensuite La Rochelle, deuxième, avec 8 points. Et puis troisième, c'est Brive, pour le moment, avec 6 points. Les rencontres de la troisième journée qui démarrent donc vendredi. Avec Pau-Toulouse qui sera le match du samedi soir. Et puis Toulon-Clermont qui sera, lui, le match donc de dimanche soir. Les Coupes d'Europe, elles, qui arriveront bien plus tard, ce sera au mois de décembre, les débuts de la saison de Coupe d'Europe. Et puis un petit mot du RCO, qui va, on le rappelle, cette année encore, eh bien, donc amené à jouer en Fédéral 1 après la montée l'an passé. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle. Hein. C'était une montée qui était attendue depuis de nombreuses années. C'est fait donc qui va cette année évoluer en Fédéral 1. Le début de la saison qui va donc démarrer samedi donc 19h30, ce sera le début. Alors on rappelle, leur début de saison, toujours des matchs le samedi soir, hein. Après ce sera le dimanche 15h, mais pour le début de saison, eh bien des matchs le samedi soir, donc 19h30 face au Paris Université Club, qui était déjà d'ailleurs dans la poule de Fédéral 2 du RSO l'année passée. Eh bien ils vont retrouver une équipe qu'ils connaissent très bien, donc le Paris Université Club. Ce sera donc samedi à 19h30, et eh bien pour essayer de bien continuer la saison. Voilà, on l'espère. Il y a eu un tout premier match, hein, c'était face à Chartres, qui avait lieu donc samedi dernier. Hier après-midi, défaite pour démarrer malheureusement à Chartres, donc dans le derby de Chartres, 32-16 pour démarrer la saison. Alors que les Espoirs sont imposés largement, hein, l'équipe Espoirs donc face à Chartres, 62-3, c'était en levée de rideau, 62-3, vraiment carton plein malheureusement. L'équipe ensuite, le Fédéral 1, qui s'est inclinée 32-16 et qui donc a démarré par une défaite. Mais voilà, rien de dramatique. Il faudra essayer de s'imposer donc samedi soir à domicile face au Paris Université Club pour remporter la première victoire cette saison. Donc cette année, le RCO, donc on rappelle, en Fédéral 1. Voilà pour la page rugby. On referme cette page et puis on ouvre la page tennis, bien sûr, avant le foot. Tennis, pas mal de choses encore. Bien sûr, on va revenir sur la fin hier de l'US Open. Et puis on évoquera aussi la Coupe Davis, puisque la Coupe Davis va démarrer, en tout cas pour la phase de poule, cette semaine. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Mais avant cela, l'US Open bien sûr qui s'est terminé hier. On va juste commencer par parler des dames qui la finale dames qui avait lieu la veille, samedi. Victoire en finale de la numéro 1 mondiale, assez logiquement, Iga Świątek 6-2, 7-6 face à Ann Ziaber, la Tunisienne, en finale, donc première finale pour elle, mais c'est bien la numéro 1 mondiale qui a fait, qui a pris le dessus. A noter la très belle performance de Caroline Garcia, qui s'est qualifiée pour les demi-finales, qui a malheureusement perdu face à Ziaber 6-1, 6-3, qui n'a jamais existé en cette rencontre, mais qui a fait vraiment une grosse, grosse compétition, qui a sorti toutes ses adversaires en deux manches, tour après tour. Sortir aussi Coco Gauff en quart de finale, il faut le faire, 6-3, 6-4. Malheureusement, elle est tombée sur plus forte qu'elle, et c'était pas, voilà, un jour avec pour la, la Française, mais qui réalise quand même le plus gros grand chelem de sa carrière en atteignant la demi-finale, donc. Et c'est donc Iga Świątek qui s'est imposée dans cette finale samedi. Voilà pour, en ce qui concerne le double, le tournoi féminin. Chez les hommes, c'était hier une finale inédite, et donc un vainqueur inédit aussi, puisque ça affrontait Carlos Alcaraz, l'espagnol, le jeune espagnol de 19 ans, face à Casper Ruud. Tous les deux, premier titre en vue. Pour Casper Ruud, c'est la deuxième finale de sa carrière, après celle de Roland Garros cette année. Donc perdu face à Rafa Nadal en trois manches. Et bien, une nouvelle défaite pour Casper Ruud en finale, cette fois face à l'Espagnol, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 pour l'Espagnol, premier titre en carrière. Et puis pour l'un des deux aussi, il y avait un double enjeu, bien sûr, au-delà du premier grand chelem, c'était la place de numéro 1 mondial qui se jouait. C'était la première fois d'ailleurs que ce cas de figure est bien arrivé, puisque habituellement l'un ou l'autre peut être champion, peut être numéro 1 mondial, mais pas les deux. C'était vraiment une configuration inédite, et c'est bien Carlos Alcaraz qui a fait quand même une compétition énorme, hein, qui à chaque fois quasiment a dû batailler en 5 manches dès les 8e, hein, face à Cilic d'abord en 8e, ensuite face à Sinner en quart, où il a également dû avoir un match de 5-7, en demi-finale face à Tiafoe, là aussi dans un gros match, et ça s'est, en tout cas, ça a été plus vite pour ce match face à Casper Ruud, donc en 4 manches, avec un dernier set 6-3, voilà, mené par l'Espagnol, qui remporte donc son premier titre en, donc, en carrière, premier titre grand chelem, et en plus qui donc passe numéro 1 mondial. Voilà, plus jeune aussi, plus jeune numéro 1 mondial, hein. On rappelle, il y avait on avait Rafa Nadal, on passe bien sûr Rafa Nadal, mais voilà, il fait partie des plus jeunes, hein. 19 ans, 4 mois et 6 jours. Voilà, donc qui devient le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, hein. Cette saison, donc 5 tournois, hein, 2 Masters 1000, Madrid, Miami, et puis donc un premier grand chelem pour lui, évidemment, on s'en rappelle. Bien sûr. Voilà pour donc Rafa Nadal. On rappelle, lui, 22 ans et 76 jours. Hein, il était beaucoup plus vieux. Voilà, et lui, il avait seulement 19 ans. C'est le plus jeune. Hein. On en avait des jeunes. On a eu pas mal de jeunes joueurs. Hein. Leighton Hewitt, Marat Safin, ou encore McEnroe, Andy Roddick, Björn Borg, Pete Sampras, mais Jimmy Connors aussi. Mais tous étaient plus vieux que Alcaraz, qui donc devient le plus jeune. Un mot du classement, donc, après cette US Open. Donc, Alcaraz, nouveau patron du classement. Casper Ruud prend la deuxième place. Donc, il a pris 5 places, hein, le Casper Ruud, donc deuxième. Nadal ne bouge pas, troisième. Ensuite, on a Daniil Medvedev qui perd 3 places, du coup, qui est quatrième. Alexandre Zverev, également 3 places de perdu, cinquième. Tsitsipas, sixième. Djokovic repère une place, septième. Cameron Norrie, 8e, Andrei Rublev réintègre le top 10, il est 9e, puis Hubert Hurkacz complète le top 10 avec cette donc 10e place. Le premier français, il est loin, c'est Gaël Monfils, il est 32e, il a perdu 8 places encore lors de ce tournoi. Un mot chez les dames, pas de, ou peu en tout cas, de changement dans le top 10. Iga Świątek toujours numéro mondial. Ann Ziaber atteint la deuxième place avec 3 places de gagné. Konka avec 3e. On retrouve Cory Gauff 8e. Simona Halep 9e. Et puis Caroline Garcia atteint le top 10. Tout juste 10e avec 7 places de gagné grâce à cette demi-finale. Elle est évidemment la numéro 1 française. cette semaine, avant de parler de la Coupe Davis, bien sûr, mais cette semaine, hormis la Coupe Davis, peu de tournois à mettre en avant. On aura quelques tournois Challenger. D'ailleurs, on parlera de l'Open d'Orléans aussi, juste après, notamment le Challenger de Rennes, qui sera l'un des tournois principaux de la semaine. Beaucoup de Français, évidemment. Hugo Gaston, qui sera la tête de semaine numéro 1 du tournoi, comme ce sera aussi la tête du semi numéro 1 de l'Open d'Orient. On en parlera juste après. On aura Benoît Paire, tête de série numéro 7. Hugo Grenier, tête de semi numéro 3. Gilles Simon, également. Hugo Humbert, Grégoire Barrère. Enfin, bah, beaucoup de joueurs qu'on trouvera aussi à Orléans. Kenny de Schepper aussi, qui sera présent sur ce tournoi. Donc Challenger de Rennes. Pour les femmes cette semaine, eh bien le rendez-vous, il est notamment du côté de Bucarest, notamment pour un tournoi de terre battue, encore certains qui jouent sur la terre battue, puis quelques tournois de dur, mais pas de gros tournois, donc en tout cas cette semaine. Mais en revanche, chez les garçons, hormis ce tournoi de Rennes, aura lieu aussi le tournoi la Coupe Davis, qui va démarrer cette semaine avec la phase de poule. Pour l'équipe de France, Alexander Zverev notamment, qui sera absent pour l'Allemagne, qui affrontera l'équipe de France, qui attend son retour avec impatience. Il va faire son retour dans peu de temps. Pour le moment, c'est encore un peu juste, il sera absent. Qui devait faire son retour à l'occasion de cette phase de poule, il a renoncé, en tout cas pour des douleurs extrêmes. Visiblement, c'est encore pas pour tout de suite pour l'Allemand. On rappelle, blessé au genou à Roland Garros, hein, ça fait 4 mois seulement, donc c'est encore un petit peu frais pour lui. Voilà, il devait faire son retour en tout cas cette semaine, c'est trop juste les mots de l'Allemand. J'en ai fait probablement de trop et maintenant j'ai des douleurs extrêmes. Qui précise également que le fait de marcher simplement est douloureux, donc je dois être prudent, sinon ça peut devenir dangereux pour l'avenir. Il est prudent, il est encore jeune, ce serait dommage pour lui de se blesser davantage. On rappelle donc les ligaments externes de la cheville droite, hein, ça c'est un petit peu trop juste. Donc le forfait de Zverev, évidemment, il est bénéfique pour l'équipe de France qui diffère à l'Allemagne mercredi, avec notamment Adrien Manarino, Benjamin Bonzi, Arthur Hinderneck, Richard Gasquet, Nicolas Mahut. Voilà, vous pourrez suivre la rencontre sur l'équipe live notamment, qui diffusera cette phase de poule de Coupe Davis, donc pour la phase de poule, hein, et ensuite il faudra poursuivre pour essayer de se qualifier pour la phase finale. Donc pour l'instant, c'est cette phase de poule, donc ça aura lieu à partir de demain jusqu'à dimanche. Voilà, donc pour l'équipe de France. Donc dans cette phase de poule, donc d'abord, évidemment, il y aura cette affiche face à l'Allemagne. Donc évidemment, beaucoup plus de chances de se qualifier pour l'équipe de France, hein, avec l'absence d'Alexandre Zverev, c'est pas une bonne nouvelle évidemment pour l'Allemand, mais pour l'équipe de France, évidemment, c'est une chance supplémentaire de se qualifier. Donc la France, donc notamment avec la Belgique également et l'Australie. Voilà, donc pour les affiches. Donc d'abord l'Allemagne, on disait mercredi. Il y aura 3 rencontres, bien sûr. Il y aura ensuite l'Australie qui aura lieu le lendemain, donc jeudi. Là aussi 3 rencontres, bien sûr. Et puis la Belgique, enfin, qui aura lieu 2 jours après, donc vendredi. Voilà, pour fermer, qui aura lieu, samedi. Voilà, c'est ça, c'est mercredi, jeudi et samedi. Voilà, pour Allemagne, Australie et Belgique. Normalement, des équipes à la portée des Bleus. Mais voilà, il faudra, en tout cas, attention, il y aura... Bien sûr, probablement côté Australie, Nick Kyrgios, Kokkinakis aussi en double, donc des sacrés joueurs. Et puis en Belgique, normalement, ça devrait être un petit peu plus jouable, puisqu'on rappelle, le niveau de David Goffin n'est plus le même. Ça devrait permettre au Bleu de se qualifier. Il faudra finir dans les 2 premières places, hein, sur 4, pour tout simplement se qualifier pour la suite. Évidemment. Pour la phase d'élimination directe, on va finir dans les 2 premiers, qui aura lieu au mois de novembre ensuite en Espagne, pour les quarts de finale notamment. Voilà pour donc cette Coupe Davis qui reprend cette semaine avec notamment l'équipe de France. Voilà pour l'actualité tennis pour cette semaine. Et puis l'Open d'Orléans qui, rappelle, aussi arrive. Ça arrive à grands pas maintenant. Voilà, donc on va rappeler un petit peu le tableau présent puisqu'il a été annoncé la semaine dernière, ce tableau. 17e Open d'Orléans. Donc on rappelle les dates, hein, 26 septembre, 2 octobre. Voilà, donc dernière édition normalement Palais des Sports avant la migration du côté donc de Comet, si tout se passe bien, on l'espère, hein, avec des, on le sait, des soucis qu'on connaît, notamment pour la côté financier, hein, on aura l'occasion d'en reparler aussi l'année prochaine. Côté tableau, donc pour 121 joueurs inscrits, hein, il y aura ensuite des qualifiés, il y aura aussi donc 6 joueurs sortis des qualifications, 3 invitations, voilà, et donc 32 joueurs au total, hein. Tirage au sort qui aura lieu samedi 24, hein, donc là 2 jours avant, et puis les qualifications qui auront lieu dimanche et lundi. Donc quelques joueurs qu'on peut vous donner, Andiré Laksonen, l'ancien vainqueur en 2000, l'année passée, Norbert Gombos qui avait remporté en 2017, également présent. Pour les Français, Hugo Gaston, tête du série numéro 1, Quentin Alice qui sera tête du série numéro 2, Grégoire Barrère, Antoine Escoffier, Laurent Locoli, Evan Furness, donc là les Français un petit peu moins vus. 4 joueurs qui sont issus du top 100, donc Hugo Gaston, donc il est 72e mondial, Quentin Alice, 76e, Laksonen, 97e, Martin Fuksovic, l'Hongrois, 98e, voilà, et puis 3 anciens qui faisaient partie du top 50, Martin Fuksovic, donc qui était 31e à son meilleur classement, Dzumour, 23e, et puis Jack Sock, l'américain, qui était numéro 8 mondial, qui sera présent aussi dans cet Open d'Orléans. Et puis, donc voilà, top 10 quand même, un ancien du top 10. Donc voilà, un beau tableau encore à venir. Et puis, avec, on l'espère, des qualifiés aussi, et puis également des invitations qu'on attend, évidemment. Voilà, donc pour l'Open d'Orléans, on aura l'occasion de reparler aussi, évidemment, juste avant la compétition. On referme la page tennis, avant d'attaquer le foot, les directs justement que l'on suit ce soir, eh bien c'est un match vraiment incroyable en Ligue 2. Si vous le suivez, restez-y parce qu'il va encore se passer des choses, je pense. C'est Metz-Guingamp, dernier match de la 8e journée de Ligue 2. C'est on a rarement vu ça en Ligue 2. 3 buts partout à la pause. Il y avait 3-1 au bout de 15 minutes, et bien 3-3 maintenant. Guingamp qui est revenu à la marque. Et puis surtout côté Messin, on est réduit non pas à 10 mais à 9 désormais. Ça fait beaucoup pour ce match, hein. Premier carton rouge, expulsion de Kouyaté à la 31e. 31e minute, un premier carton jaune d'abord pour Kouyaté. Qui avait pris un carton jaune pour une grosse faute, et puis ensuite carton rouge dans la foulée pour avoir eu des mots envers monsieur Caius, l'arbitre de la rencontre, et donc pour contestation il a pris c'était un rouge direct, hein. Il n'y a pas eu deux jaunes et un rouge, ça a été rouge ensuite direct, donc carton rouge directement, et puis ensuite d'abord 2-1 ensuite, puisque 3-2 pardon, puisqu'il y a eu un premier but à la 91e minute de jeu de Guingamp. Penalty ensuite pour Guingamp, à suite d'un pied levé, l'un des joueurs messins, à l'épaule, et donc carton rouge suite à ça pour le gardien, pour le portier messin, donc carton rouge après un mauvais geste, et égalisation sur penalty donc de Guingamp. Donc là c'est vraiment incroyable, hein. 3-1 en 15 minutes pour Guingamp, et puis pour Metz, pardon, il a 3-3 avec 2 cartons rouges pour Metz. Et donc un penalty ensuite, ça fait beaucoup, ça va être compliqué pour Metz à 9 maintenant, donc avec le 2 joueurs en moins pour tenir le score. En tout cas, on a rarement vu un match aussi animé un lundi soir, donc 3 partout, mi-temps. En Espagne, l'ouverture du score, c'est moins animé en Espagne, mais un but quand même pour Osasuna qui a ouvert la marque du côté d'Almeria 1-0 et on joue la 39e. En Italie, égalisation de Empoli qui donc tenu, qui tient en échec pendant la Roma à la pause, un partout. Et puis en National, 0-0 toujours entre le Red Star et le Paris Atlético. Donc on joue quasiment à la fin de la première période. Pour le terminer le foot, donc il y a beaucoup de choses à dire. Avec d'abord en commençant par chronologiquement la Ligue des Champions, notamment avec évidemment pour démarrer le Paris Saint-Germain qui s'est imposé dans sa rencontre face à la Juve. Belle victoire des Parisiens sur le score de 2-1, ça a été un peu plus compliqué en deuxième, mais l'essentiel est là. Une victoire 2-1 pour le Parisien avec un doublé pour Kylian Mbappé, une 2-1 victoire qui permet donc à Paris de prendre les commandes du groupe aux côtés donc de Benfica qui de son côté s'est imposé face au Maccabi Haïfa 2-0. Donc voilà donc les premiers résultats cette semaine. Ça va enchaîner vite, hein, deuxième journée déjà cette semaine. Il y aura ensuite une petite pause la semaine suivante, hein, avant de rattaquer, mais ça va quand même s'enchaîner assez vite. Paris Saint-Germain ira donc défier Maccabi Haïfa et puis la Juve recevra Benfica. Voilà les résultats pour Paris. Bien sûr, Marseille aussi a noté la défaite de l'Olympique de Marseille face à Tottenham à l'extérieur 2-0, qui a été plombée par une expulsion en carton rouge mérité, hein, pour Mbemba peu après le début de la seconde période. Et ça a permis ensuite Richarlison deux fois de marquer et permettre à Tottenham de s'imposer. Sporting de son côté s'est imposé à Francfort 3-0 dans l'autre rencontre. Marseille recevra Francfort. Donc les deux battus de la première journée se jouent donc ce sera demain. Et puis Tottenham ira au Sporting un peu plus tôt, ce sera à 18h45. Quelques résultats qu'on peut vous donner comme ça. La victoire de Naples face à Liverpool 4-1. Petite surprise. Mais en tout cas, gros match pour Naples qui s'impose 4-1. Ça démarre très bien dans ce groupe. L'Atlético s'est imposé face à Porto 2-1. Ça aussi c'est une belle victoire pour l'Atlético avec un but de Griezmann en toute fin de rencontre. C'est vraiment là, au bout du bout du temps additionnel, 101e minute, but de Griezmann sur corner. Scénario incroyable puisque l'Atlético menait 1-0. Alors les buts sont tous dans le temps additionnel, c'est assez rare, mais d'abord c'est donc l'Atlético qui a ouvert le score dans le début. Donc il y avait 9 minutes de temps additionnel, hein, 91e ouverture du score, ça arrivait très tard. Égalisation sur penalty donc pour le FC Porto. Et puis ensuite donc 400e avec beaucoup de temps additionnel, et eh bien c'est Griezmann qui a donné la victoire à l'Atlético. Ça c'est donc dans le groupe B. Le Barça et le Bayern se sont tous les deux imposés. Le Bayern 2-0 à l'Inter, le Barça 5-1 face à Victor Rapidan, victoire logique avec un triplé pour Lewandowski encore une fois. Ouais, assez logique. Le Milan qui a mal démarré à Salzbourg, un partout, mais Chelsea qui a encore moins bien démarré. Défaite à Zagreb, 1-0 dans le groupe E. Et puis le Real, en revanche, ça va très bien. Victoire à 3-0 au Celtic Glasgow. Et puis enfin City et Dortmund, tous les deux co-leaders. City 4-0 à l'extérieur, doublé pour Haaland, pardon. Et puis Dortmund aussi, victoire 3-0 face à Copenhague. Score logique. Les deux qui s'affronteront d'ailleurs cette semaine, ce sera mercredi, hein, City-Dortmund qui promet. Voilà pour les résultats donc de cette première journée. Et puis un match, tiens, le match de la entre Glasgow, les Glasgow Rangers et Naples, qui a été décalé, qui devait avoir lieu mercredi, qui a été décalé mercredi en raison de la mort de la reine Elisabeth II, qui devait recevoir donc Naples demain soir. Elle fera jouer mercredi. Notamment la raison invoquée, c'est un manque de personnel de sécurité. Évidemment, il y aura moins de personnes de sécurité puisque beaucoup seront évidemment du côté de la dépouille de la reine Elisabeth II. Évidemment, assez logique. Donc mercredi, cette rencontre, et puis donc pas de déplacement de Naples pour cette rencontre, voilà. Et puis pour l'équité, eh bien on a refusé aussi aux fans des Rangers d'aller en Italie pour match retour, ce qui est assez logique. Voilà pour donc ce match donc décalé à mercredi. Ensuite, eh bien, dans les autres compétitions, il y avait pas mal de clubs français ensuite qui jouaient jeudi. Jeudi, la Ligue Europa avec notamment, on va parler concrètement des clubs français, Rennes qui s'est imposé pour la première rencontre à l'extérieur, l'Arcana. Victoire dans le Money Time, 94e. Beau but d'ailleurs du Rennais à Signon qui sauve Rennes. Victoire in extremis qui fait beaucoup de bien au Rennais dans cette première journée. On avait ensuite, toujours jeudi, eh bien Nantes, retour en Coupe d'Europe, victoire face à l'Olympiakos 2-1. Belle victoire aussi, là aussi en toute fin de rencontre, 93e. Bravo, Onantec, une belle victoire importante. Et puis Monaco aussi qui s'est imposé sur le fil face à Belgrade, 1-0. But en fin de match sur pénalty de Mbolo. Victoire importante et qui a arraché cette victoire. Là aussi, c'était important de s'imposer pour démarrer cette campagne. Monaco recevra, ce sera jeudi, l'équipe de Hongrie du Ferencváros. Ce sera 18h45, ce sera un petit peu plus tôt. Nantes, même chose, à la même heure, ira Karabagh. Et puis enfin pour Rennes, eh bien les Rennais, qui sont de leur côté, recevront à 21h le Fenerbahçe. Alors, c'est la rencontre de jeudi pour la Ligue Europa. Et puis enfin en Conférence League, on retrouvait Nice, voilà, qui n'ont pas gagné mais qui n'ont pas perdu non plus. Match nul pour les Niçois pour démarrer cette campagne. Un partout face à Cologne, mais heureusement dans l'autre rencontre, match nul, pas de victoire non plus. Donc tout le monde a un point, donc c'est pas dramatique cette défaite, ce match nul de Nice qui a donc été qui a permis d'un leader qui a permis aux Niçois de revenir à l'égalité. Donc un partout. Nice ira au Partizan Belgrade donc jeudi à 21h pour essayer d'aller chercher la première victoire dans cette phase de poule, on l'espère. Voilà pour refermer cette page Coupe d'Europe. On reste dans l'Europe pour le tour habituel de notre championnat européen, avec d'abord l'Allemagne. Difficile défaite pour Dortmund, 3-0, qui était s'incliné à Leipzig, donc 3-0. Pas de victoire non plus pour le Bayern, qui s'était tenu en échec par Stuttgart 2-2, pardon. Retenu en échec en fin de match, hein, toute fin de match. Et puis match nul non plus, pas de victoire pour le Bayer Leverkusen à Berlin. Deux buts partout. Au classement, ça profite à qui? Eh bien, ça profite à Berlin. Donc, qui, de son côté, l'Union Berlin, hein, puisqu'il y a aussi l'Hertha Berlin, c'est bien l'Union Berlin qui est leader, 14 points. Fribourg est deuxième, 13 points. Le Bayern suit derrière avec 12 points. Hoffenheim, Dortmund, 12 points aussi. Personne n'est décroché. Pour le moment, Leipzig est un petit peu plus loin, 10e. Et puis, Bayer Leverkusen, étonnant, qui est 17e avec 4 points seulement. Bochum, dernier, pour l'instant, qui n'a pas de points. C'est compliqué. Compliqué pour eux. Toujours pour poursuivre notre tour d'Europe, l'Italie avec la Serie A où l'on jouait la 6e journée. Bien samedi, tous les cadors ont gagné. Naples notamment qui s'est imposé face à la Spezia 1-0. But de Raspadori en toute fin de match là aussi. L'Inter a battu le Torino 1-0. Là aussi, but à 89e. Même chose, même scénario. C'est Brozovic qui permet à l'Inter de racheter les victoires. Le Milan AC s'impose 2-1. Là aussi, alors pas en fin de match, mais là aussi, un but un peu tardif. C'est but d'Olivier Giroud sur penalty qui permet au Milan de s'imposer, qui en plus a évolué à 10 quasiment toute la deuxième période. Donc ça a été compliqué, mais c'est Giroud qui permet au Milan de s'imposer. Dimanche, la Lazio, là aussi, s'est imposée face à Vérone 2-0, la Lazio de Rome. Et puis, par contre, pas de victoire. C'est pour la Juve, tenue en échec par la Salernitana 2-2. Mauvaise opération et qui a arraché le match nul en plus à la 93e avec un but vraiment en tout temps de match. Bonucci qui a d'abord Donc c'était sur, lors d'un penalty hein, pour la Juve qui a permis donc au sien de revenir, un penalty arrêté puis qui a suivi ensuite pour repousser de son pied droit le but. Et puis ensuite Milik qui croyait délivrer la Juve et voilà avec un match un but d'une tête de Milik toute fin de match et puis finalement but alors d'abord Milik exclu pour un deuxième carton jaune et puis finalement but annulé pour un hors-jeu et finalement Cuadrado qui a été expulsé à son tour après Nicio Fouré sur le banc, Fazio aussi expulsé. Donc trois expulsions en fin de match. Et puis finalement pas de victoire, 2-2. Et la Juve qui s'en sort avec deux rouges et pas de victoire. Ça fait beaucoup. Du coup au classement, eh bien c'est le Napoli qui est en tête aux côtés de l'Atalanta Bergame et du Milan AC, 14 points pour tout le monde. L'Udinese 13 points est 4e. L'Inter est 5e avec 12 points. La Lazio 11 points, 6e. La Roma 7e, 10 points. Tout comme la Juve 8e, 10 points. Voilà, pour l'instant personne n'est décroché. En bas, c'est le promu Monza qui est dernier avec un petit point. Et puis l'Espagne avec la journée du week-end, c'était la 5e journée. Le Barça, victoire 4-0 sans problème avec encore un but pour Lewandowski, un but pour Dembélé aussi à noter. L'Atlético aussi, victoire 4-1. Pas de but de Griezmann cette fois, mais qui est quand même qui est rentré en fin de rencontre également. Et puis le Real qui a imité l'Atlético dimanche, victoire 4-1 hier. Valverde, Vinicius, Rodrigo, Rudiger, voilà notamment pour les buts du Real. Qui s'impose donc 4 buts à 1. Et au classement, eh bien, ça nous donne le Real en tête avec 15 points. Le Barça suit derrière avec 13 points. Le Betis est 3e avec 12 points. L'Atlético à 10 points. Il est 6e. Et puis en bas, c'est Cadix qui est dernier avec 0 points. Pas de. Le moindre nul pardon, pour le moment. Pas de résultat en Angleterre, on le rappelle. Les matchs reportés, le match de cette journée. La suite du décès de la reine Elisabeth II. Tous les matchs de la 8e journée, de la 7e journée ont été reportés, notamment. Et puis ceux de la 8e journée vont être perturbés, hein, notamment. Pas mal de quelques reports, quelques matchs avancés, notamment. Voilà les quelques reports qu'on peut donner. Donc, notamment, donc on aura donc Manchester United Leeds qui était programmé dimanche 15h reporté. Chelsea Liverpool, la belle affiche 17h30 toujours dimanche reporté aussi. Et Brighton Crystal Palace aussi reporté. Cette fois-ci en raison d'une grève, hein, rien à voir avec les autres rencontres. Mais donc trois rencontres qui n'auront pas lieu. Voilà, pour des raisons de sécurité, puisqu'il n'y a pas assez de sécurité pour encadrer toutes ces rencontres. Et puis Arsenal qui devait jouer dimanche. Qui devait jouer dimanche à 13h a été reporté, a été avancé à midi. Brentford Arsenal et puis Tottenham Leicester, lui va se tenir à l'heure prévue 17h30, ça ne bouge pas pour le match de samedi entre Tottenham et Leicester. Voilà, mais pas mal de reports et puis pas mal de matchs avancés. City ira à Wolverhampton samedi, donc il y aura bien, qui devra bien jouer. Donc samedi, voilà donc les quelques changements. A priori, après, ça devrait revenir à la normale pour la journée suivante, puisqu'on rappelle donc les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu le 19, donc lundi 19 septembre. Donc a priori, pour la journée suivante, ça devrait revenir à la normale. Voilà pour l'Angleterre. Donc on attend cette nouvelle journée avec un petit peu de perturbation toujours dimanche. Voilà pour le tour d'Europe. On revient en France pour clôturer avec le national. Alors toujours pas de défaite pour l'USO, toujours invaincu, mais pas de victoire encore sur cette cinquième journée. Un partout à Cholet. Orléans qui a égalisé 2 minutes après avoir conseillé l'ouverture du score, pardon. Et puis encore un carton rouge en toute fin de match, encore ça fait beaucoup de rouge, hein. 4 rouges en 5 matchs. Il va falloir être plus discipliné, puisque ça fait quand même beaucoup de rouge pour Orléans. Ce match nul qui donc permet Orléans de rester deuxième C'est presque dommage que de ne pas avoir gagné, ça aurait permis de prendre la tête, puisque c'est Versailles qui a total avec 10 points, Orléans deuxième avec 9 points, Dunkerque également 9 points, Cholet, Red Star, il y a beaucoup d'équipes à 8 points, hein. Cholet, Red Star, Martigues, Bourg-en-Bresse, Concarneau, Châteauroux, Avranches, 8 points, de la quatrième à la dixième place, tout le monde a 8 points. Et c'est très serré, très très serré pour l'instant. Évidemment, Orléans, on rappelle, qui a récupéré 2 points sur tapis vert, qui est passé deuxième grâce à cette victoire. Et il y a 9 points pour l'instant. C'est presque dommage de ne pas avoir gagné, hein, pour être premier, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de défaite. Qui fait partie des équipes invaincues, hein, il n'y en a plus beaucoup. Il y a également le Red Star qui n'a pas perdu. Mais autrement, tout le monde a au moins perdu une fois. Donc, pour l'instant, c'est l'équipe à battre pour ce championnat national. Vendredi, il faudra essayer de prendre les 3 points cette fois. Ce sera face à Châteauroux. Réception donc vendredi à la source, 19h30. Châteauroux, qui est 9e, qui a 8 points aussi. Hein. C'est vraiment la même configuration en termes de résultats. Donc, ce serait intéressant de s'imposer pour cette fois vraiment, vraiment décoller au classement. Et avant la trêve, on peut aller voir un petit peu plus loin. Il y aura un match à Saint-Brieuc lors de la journée suivante, qui est dernier. Donc il faudra prendre les 3 points, et évidemment, pour espérer de belles choses derrière. Mais en tout cas, l'USO deuxième pour le moment après ces 5 premières journées. La Ligue 2. Eh bien, la Ligue 2 pour le moment, tout va bien pour Sochaux. Sochaux qui reste sur une belle dynamique. Hein. 5 matchs, 5 victoires, ça avait mal démarré pour Sochaux, qui avait pas gagné lors de ses 3 premiers matchs même. Si on revient un petit peu en arrière, Sochaux qui avait dans l'ordre, qui avait fait match nul, puis qui avait ensuite perdu 2 fois lors des 3 premières journées, donc était quasiment dernier, hein. Finalement, après 3 journées, qui est premier, c'est parce qu'il a enchaîné 5 victoires. La dernière en date, c'était samedi. Donc samedi pour une victoire du côté de Dijon, 2-0. Donc ça permet à Sochaux de rester leader. Le Havre, de son côté, a été battu Nyon, donc reste deuxième, aux côtés de Caen notamment, qui a battu Amiens 3-1. Bordeaux, battu par Saint-Etienne 2-0, qui a perdu la tête du classement, du coup, qui est quatrième à 14 points. Amiens, même avec sa défaite à Caen, aussi perd des places, et cinquième, 14 points. Et puis pour Saint-Etienne, ça va mieux, 15e avec 7 points. Voilà, 4 matchs en défaite, donc ça va beaucoup mieux pour Saint-Etienne, qui remonte tranquillement la pente dans cette championnat. Et puis Metz-Guingamp, c'est en direct, on rappelle, il y a 3 partout, ça vient de reprendre. Metz réduit à 10 et à 9 même juste avant la pause. Guingamp qui en a profité pour recoller à 3 partout. C'est un match fou à laquelle on assiste. Et pour le moment, il reste un peu plus d'une demi-heure. Et en cas de succès, ça permettrait à Metz de prendre la 4e place, notamment côté de Bordeaux. Et puis en cas de victoire de Guingamp, ça permettrait à Guingamp même chose, hein, de revenir plus ou moins côté de ces équipes-là, hein, comme Bordeaux et Amiens. Donc voilà, c'est un match à enjeu. Et pour l'instant, il y en a de l'enjeu avec 3 partout. Et puis surtout 2 joueurs en moins, ça va devenir compliqué pour Metz. Alors, en Espagne, Osasuna mène à la pause 1-0 à Almeria. Et puis en Italie, il y a un match nul toujours entre Empoli et la Roma. On a repris aussi depuis un peu plus de 10 minutes. Et en national, 0-0, c'est le score à la pause entre le Red Star et le Paris Atlético. Voilà pour la Ligue 2. Donc prochaine journée samedi, bien sûr. Samedi, tous les matchs auront lieu d'ailleurs samedi. Donc il y aura 2 matchs à 15h. Dijon, Bordeaux-Dijon. Intéressant là aussi cette affiche pour les deux clubs. Et puis Guingamp Saint-Etienne à 15h. Voilà les rencontres de 15h. Puis tous les autres matchs seront lieu à 19h. Il n'y aura pas cette fois le lundi. Et puis sinon, après il y aura une trêve, puisqu'il y aura la fin de la Ligue des Nations et reprise le 1er octobre seulement après pour le championnat Donc il y aura un week-end sans rencontre. Voilà pour la Ligue 2, puis bien sûr on termine avec la Ligue 1. La Ligue 1 donc, avec la journée qui s'est clôturée hier, la journée donc 7e journée. On va revenir chronologiquement avec vendredi, Lens qui recevait 3 pour poursuivre sa belle série, victoire 1-0 des Lensois, but de Danzou à la 32e qui provisoirement prenait la tête de la Ligue 1 avec sa 5e victoire cette saison. Donc voilà, qui permet à Lens de rester dans le trio de tête. Paris qui les a rejoints ensuite en s'imposant face à Brest, c'était samedi 1-0. Ça a été compliqué pour Paris, à 4 jours de son déplacement, on rappelle, en Israël, qui a repris la tête donc en battant Brest, compliqué. Kimpembe qui a consigné un penalty, sauvé par Donnarumma, puis qui est sorti blessé notamment. Voilà, qui va manquer le rassemblement de l'équipe de France et également le match de Ligue des Champions. Rassemblement de l'équipe de France dont on parlera après, puisqu'il y a pas mal aussi de blessés pour Didier Deschamps, qui a un petit peu un casse-tête donc pour cette sélection. Samedi soir, c'est Marseille qui recevait Lille. Ça a été compliqué aussi pour Marseille. Victoire 2-1. C'est Lille qui avait le score assez tôt dans le match. Et puis Marseille, grâce à sa recrue Sanchez et à l'heure de jeu par Gigot, qui permet à Marseille de remporter sa 5e victoire consécutive en Ligue 1. Et qui a été donc Gigot l'auteur de son premier but avec Marseille et qui permet à Marseille de s'imposer. Donc samedi, hier, pas de vainqueur et pas de but aussi entre Strasbourg et Clermont, 0-0, c'est-à-dire le seul match nul de la journée. Lorient face à Nantes, c'est Lorient qui s'est imposé 3-2, 3 buts à 2. Voilà, un match fou hein, où il y avait pas mal de buts aussi. Angers qui a battu Montpellier toujours samedi dimanche après-midi 2-1. Sofiane Boufal son penalty qui permet à Angers de s'imposer. Toulouse qui prend 3 points, la première victoire à domicile, 1-0 face à Reims. Reims réduit à 10 après l'heure de jeu, ça va pas aider évidemment les Rémois. Première victoire à domicile donc pour le TFC, qui d'ailleurs met fin à 3 défaites consécutives Toulouse, donc c'était aussi important pour eux de s'imposer. Nice qui remporte là aussi une belle victoire. Andy Delors encore qui sauve les Niçois déjà en Ligue, en Conférence Ligue. Eh bien, il a remis ça face à Ajaccio et qui permet de remonter à la 12e place. C'était important aussi pour les Niçois. Rennes, le carton de dimanche, c'était face à Auxerre, 5-0. Journée compliquée, match compliqué pour Auxerre. Voilà, qui signe leur plus large victoire au début de saison. Voilà, compliqué pour les Auxerrois. Et puis enfin, Monaco recevait Lyon, pour le match de prestige d'hier. C'est Monaco qui a fait la belle opération en s'imposant 2-1. Compliqué, mais victoire. Paddy Achille et Maripane d'abord, en l'espace de 5 minutes. Et puis Touké Kambi a redonné l'espoir aux Lyonnais. Et donc, en fin de match, voilà, Lyon qui a beaucoup poussé, ça n'a pas suffi. Et victoire importante pour Monaco, qui renoue avec la victoire, notamment à domicile. Et puis pour Lyon, eh bien, deuxième défaite de la semaine, hein, avec une défaite face à Lorient en semaine, qui était un match reporté, bah ça fait deux défaites donc en deux matchs, et il va falloir réagir très vite. Compliqué puisqu'il va falloir recevoir le Paris Saint-Germain, donc c'est pas le match idéal évidemment pour se relancer, mais il faudra en tout cas le faire face à Paris. Vendredi, pour redonner les autres matchs de cette 8e journée, vendredi c'est Auxerre qui va recevoir Lorient d'abord. Samedi, on aura Montpellier, Strasbourg et Lille, Toulouse. Et puis tous les autres, tous les Européens évidemment joueront dimanche. C'est le cas de Monaco qui va recevoir Reims, qui va se déplacer à Reims à 13h. Marseille et Rennes, qui auront tous les deux joué hein, cette semaine, se rencontreront à 15h. On aura aussi Clermont 3, Nice, qui jouera jeudi aussi, recevra Angers. Brest, Ajaccio, toujours à 15h. Les Nantais, qui joueront aussi un jeudi, recevront Lens à 17h. Et puis Lyon, Paris. Joueront donc à 20h45. Bon, Paris qui aura joué mercredi, Lyon non, mais bon, il y a quand même pas mal d'espace entre les deux matchs. Et pour Lyon, il s'agirait d'éviter une troisième défaite consécutive, hein, d'autant plus que Lyon ira à Lens le week-end suivant, non pas le week-end suivant parce qu'il y aura la trêve quand même internationale, mais il faudra aller à Lens ensuite pour la reprise. Ça va être chou pour Lyon qui a fait un calendrier énorme avant de reprendre des matchs un peu plus pas facile, mais il y aura peut-être plus de facilité à s'imposer. En tout cas, là, il y a trois rencontres à venir extrêmement importantes pour les Lyonnais. Le classement, oui, je l'ai pas donné. On a donné la prochaine journée, mais évidemment le classement avant de vous parler de l'agenda de cette semaine. Le classement qui, pour l'instant, voit Paris, Marseille toujours leader, 19 points. Le PSG leader à la différence de but. Lens est troisième avec 17 points. Lorient est quatrième avec 16 points. Belle sensation qui vient de remporter 4 victoires consécutives. Lyon, c'est l'inverse, 3 défaites consécutives. Et oui, 3 défaites consécutives pour Lyon qui est 5e avec 13 points. Rennes et Monaco sont à 11 points. Ensuite, Lille, 10 points aux côtés de Clermont. On va s'en descendre un peu plus loin. Nice est 12e, 8 points. Et puis s'en descend beaucoup plus loin. Strasbourg, Brest, Angers ont 5 points. Et Ajaccio, qui est dernier avec un seul petit point, qui vient d'enchaîner 5 défaites consécutives également. Strasbourg qui reste aussi étonnamment sur une série de 5 matchs nuls consécutifs. C'est assez rare, mais voilà, qui n'avance pas du coup, hein, et qui avait perdu ses deux premiers matchs, puis qui vient d'enchaîner 5 matchs nuls, et bah ça fait une 17e place seulement. Évidemment, avec des nuls, on n'avance pas beaucoup. Voilà pour le classement. Cette semaine, pour récapituler tout ça, tout le programme, tout l'agenda de la semaine. Donc en football, on le disait, dès demain, la deuxième journée des Coupes d'Europe, hein, donc Ligue des Champions, pour refaire un petit point sur les matchs. Donc demain, c'est Marseille qui sera à l'honneur, qui se recevra l'Eintracht Francfort, pardon, à 21h. Voilà, où il faudrait déjà prendre des points. Hein. Les 3 points. Paris se déplacera en Israël au Maccabi Haïfa mercredi à 21h. Et ensuite, ce sera jeudi pour tout le monde, pour les autres, donc les Européens de l'Europa League. Rennes recevra le Fenerbahçe à 21h, jeudi. Nantes ira au Karabagh à 18h45, jeudi. Et puis Monaco recevra les Hongrois de Ferencváros, là aussi, à 18h45. Et enfin, toujours jeudi, en conférence TIC, c'est Nice qui va donc clôturer, on l'espère bien, la semaine européenne pour les clubs français, qui va se déplacer à Belgrade, pas simple. Voilà pour cette deuxième journée. Donc ça, c'est pour cette semaine. Et puis après, vendredi, et puis samedi, dimanche, bien sûr, la journée de Ligue 1, la Ligue 2, et puis le National. Pour l'USO, on le rappelle, on le disait tout à l'heure, pour essayer de décoller vraiment, même s'il y a une belle deuxième place, pour essayer de décoller vraiment, ce serait intéressant, eh bien, d'aller s'imposer, de s'imposer face à Châteauroux vendredi, donc à la source, 19h30, voilà, pour le rendez-vous. Donc pour le foot, tennis, cette semaine c'est la Coupe Davis, donc mercredi. L'équipe de France, donc c'est la phase de poule, hein. Mercredi, la France affrontera l'Allemagne, donc 3 matchs à chaque fois. Ensuite, jeudi, on aura la rencontre face à la Belgique. Et puis samedi, ce sera la rencontre face à l'Australie pour tenter de se qualifier pour la phase finale. En rugby, 3e journée de top 14, donc samedi et dimanche. Le RCO jouera sa 2e journée aussi, qui va recevoir le Paris Université Club. Ce sera samedi soir, hein, au monté, ça démonté, pour la 2e journée. Allez-y, c'est un beau spectacle qui, en plus, il fait encore bon dans cette période, donc c'est intéressant. Samedi soir, 19h30, au monté, en fédéral 1, donc la 3e échelon en national. Alors que ça a bougé, hein, côté donc Metz-Guingamp, pour le moment, le match est arrêté. Ouh là là, alors que Metz a pris un 3e carton rouge. Voilà, c'est assez rare, hein. À noter, Metz qui a déraillé complètement, carton rouge encore pour Jean-Jacques, qui est expulsé directement avec un tacle pied levé sur le genou, hein. Donc Metz qui est réduit à 8 désormais, et donc match interrompu, car la sécurité du corps arbitral est menacée. En cause, c'est les supporters messins. Donc les joueurs sont rentrés au vestiaire il y a maintenant presque 10 minutes, et Metz est réduit à 8 désormais. Ça veut dire que s'il y a encore une expulsion, et bien Metz sera forfait. Hein. C'est, je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire récente, mais pour arriver ce soir, en tout cas, il reste beaucoup de temps. Il y a toujours trois partout pour l'instant. Mais pour l'instant, les joueurs sont au vestiaire. Hein. Pour suivre la suite de cette rencontre, c'est sur Beansport 1, je le rappelle, si ça reprend. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Là, ça va être un drôle de match hein, pour l'instant auquel on assiste dans ce Metz Guingamp. Je rappelle aussi, puisqu'on est dans les directs, que l'Osasuna mène 1-0 à Almeria, donc 49e minute de jeu en Espagne. Ça a repris aussi Empoli à Roma, hein, partout toujours, encore 20 minutes. Et puis le Paris Atlético a ouvert le score face au Red Star, 1-0, c'est en national. Pour poursuivre, donc je le disais, alors, c'est le rugby. Ensuite le basket, bien sûr l'Euro suite et fin cette semaine. On espère jusqu'au bout pour les Bleus qui affronteront l'Italie mercredi. Donc à 17h40, à 17h15, notez bien. Pour l'instant, c'est encore Canal Plus pour les rencontres. Et puis j'espère, bah, on l'espère, s'il y a une qualification, a priori en demi-finale, il y aura certainement une diffusion en clair, on l'espère. Donc mercredi, 17h15, France-Italie. Et puis s'il y a une qualification, bah, ce sera vendredi. Ensuite, soit face à la Slovénie, face à la Pologne. Et puis si tout va bien, et bah, rendez-vous dimanche pour la finale, on l'espère. 7 euros. Ça c'est donc pour le basket. Handball, eh bien, bien sûr, tout le monde sera de compétition ce week-end, donc en Star League bien sûr. Notamment, on le disait pour Chartres hein, qui va de son côté recevoir à nouveau donc Ivry vendredi à 20h. Et puis ça jouera aussi pour tous les autres. Hein. Pour refaire un petit point sur tout le monde, notamment pour Saran bien sûr, qui va tenter de remporter la première victoire. Pour l'instant, il y a eu une première défaite. Ben, on espère une victoire ensuite. Ce sera une réception de Nancy vendredi 20h30. Ce sera face à Nancy, donc à la halle des sports Mazuka, Jack Mazuka. Voilà, on espère pour. Pour Saran, elle, c'est les Panthères, on en parlera juste après. Pour également pour Gien en National 1 qui va recevoir, ce sera à domicile samedi soir pour la troisième journée et qui va recevoir Rennes à 20h30 samedi. Donc vendredi à 20h30 c'est Saran et samedi 20h30 c'est Gien. Et puis enfin pour les Panthères, en deuxième division féminine, dans le cadre de la deuxième journée, Fleury ira à Vaux-en-Velin samedi à 20h30. Voilà, donc ce sera l'extérieur par contre pour les Panthères. Voilà, et puis les Coupes d'Europe aussi pour Paris, en Ligue des Champions, j'ai oublié le deuxième club qui va bien sûr être aussi présent. Cette saison, Paris, bien sûr, et dans l'autre groupe, c'est évidemment Nantes. Voilà, Paris et Nantes qui vont démarrer cette semaine la Ligue des Champions. Et puis pour Metz et Brest chez les filles, ce sera la deuxième journée déjà de la Ligue des Champions cette semaine. Pour finir en sport mécanique, Formule 1, donc pas de Grand Prix cette semaine, hein, on le rappelle. Après le report, il y a déjà un peu de temps du Grand Prix de Russie, hein, de l'annulation même. Donc reprise dans 3 semaines, hein, le 2 octobre. Voilà, pas mal un grosse pause, hein, une grosse trêve. Et puis en MotoGP, la reprise du championnat pour Fabio Quartararo, Grand Prix d'Aragon dimanche. Alors on espère une victoire pour essayer de reprendre une petite avance donc pour le Français, Grand Prix d'Aragon dimanche. Voilà le rendez-vous, le programme de la semaine. Voilà, pas mal de choses encore à suivre hein, en tous les cas. Et puis on rappelle donc les directs que l'on suit, donc Metz Guingamp, a priori ça a l'air d'avoir repris. On va faire un dernier point. Pour l'instant non, ça n'a pas repris. On rappelle 3 partout entre Metz et Guingamp. Metz qui a été réduit à 9 puis à 8 il y a quelques minutes, à la 56e minute de jeu, 3e rouge hein. Pour l'instant il y a toujours 3 partout et donc il reste encore, si le match reprend, puisque là le match a été interrompu avec les supporters messins qui ont menacer l'intégrité du corps arbitral. Ça fait que pour l'instant tout le monde est au vestiaire. Et si le match reprend, il restera encore 25 minutes. C'est beaucoup pour Metz. À 8, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Et puis on rappelle, s'il y a un, pourquoi pas un nouveau rouge, ben ce sera même un forfait, hein, ce qui est plutôt très rare. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et puis je vous rappelle aussi, pour finir, donc les autres rencontres. La Roma qui a repris la tête de la rencontre face à Empoli 2-1 à 5 quarts d'heure. Et puis en national, toujours 1-0 pour le Paris Atlético. Et toujours 1-0 aussi pour Osasuna à Almeria. Voilà les derniers directs que vous pouvez suivre jusqu'à la fin. Donc Metz Guingamp, ça y est, ça a repris. 22h18, il y a une minute. Non, ça n'a pas repris. Donc 22h18, match toujours en stand-by. Hein. L'arbitre qui aurait été menacé par un supporter. Dernières infos qu'on a, donc pour l'instant, le match qui n'a pas repris. Hein. Donc pour suivre, c'est Beansport 1, pour suivre la suite, peut-être la fin, on espère. Voilà la rencontre qui, on l'espère, va reprendre. Allez, une dernière, dernier titre, et puis on se quitte là-dessus, hein, justement. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Évidemment, il est 22h10, un petit peu plus tôt que d'habitude, mais voilà, il y avait un tout petit peu moins de choses à dire que d'habitude. On se quitte avec un tout dernier titre que vous avez choisi. C'est Kungs qu'on écoute tout de suite avec tellement de propositions que on ne sait plus à force lequel choisir. Eh bien, on va choisir Clap Your Hands. Allez, c'est parti pour Kungs, et on se quitte là-dessus avec ce titre. On se retrouve lundi prochain, même heure, 20h30. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée à vous, bonne semaine. Et puis allez les Bleus, basket, allez, c'est mercredi, hein. France-Italie pour le quart de finale de l'Euro. Ciao, bye bye, à lundi, bonne semaine.